Chapitre 44e. Complot de chasseurs. Tandis qu'Armand de Kergas s'ovellait en Roland d'une mort certaine, Sir Williams faisait en Bretagne le siège du cœur de Mademoiselle Hermine de Beaupréau, et il est temps de revenir aux événements qui suivirent son départ du château des Genêts. Nous avons vu le baronnet sortir précipitamment du salon de la vieille baronne de Kermadec, feindre l'émotion la plus grande et remonter à cheval comme un homme qui fuit un immense péril. Sir Williams, nous l'avons déjà dit, avait une connaissance approfondie du pays. Bien qu'il ne l'eût point habité depuis longtemps, il serait allé les yeux fermés au manoir, la propriété du chevalier de Lacy. Il mit donc son cheval au galop, gagna les bois et aperçut, au bout de 20 minutes, les tourelles du castel qui se détachaient en vigueur sur le ciel éclairé par la lune. Cependant, et bien que Carloven fût situé à une très petite distance, Sir Williams était bien certain que nul au manoir, et surtout le vieux chevalier, ne reconnaîtrait en lui le vicomte Andrea, et cette certitude prenait sa source dans deux motifs différents. D'abord, il y avait 10 ans au moins que le vicomte avait quitté le pays. Il en était parti adolescent, les cheveux blonds et la lèvre imberbe. Il revenait homme, le visage couvert d'une belle barbe noire, et avait fini par adopter une démarche, une attitude, un accent qui trahissait, à s'y méprendre, l'origine britannique. La seconde raison qui le portait à croire en l'inviolabilité de son incognito était la solitude dans laquelle, depuis son crime, le comte Filippone, son père, avait toujours vécu, fuyant ses voisins et ne les recevant jamais. Le jeune vicomte Andrea n'avait jamais fait une seule visite au chevalier de Lacy, pas plus qu'à la baronne de Kermadec. Sir William s'entra donc la tête haute et le cœur bien calme dans la cour du manoir. « Monsieur le chevalier de Lacy, » demanda-t-il au valet qui accourut au bruit du cheval et auquel il jeta la bride. « Monsieur le chevalier n'est point encore entré, » répondit le valet. « Il a chassé un peu loin aujourd'hui. Le rendez-vous était à 2 kilomètres au bois Redon, et sans doute que l'animal aura pris un grand parti, car nous n'avons pas entendu les trompes ni les chiens de toute la journée. Mais si monsieur veut l'attendre, certainement, » dit Sir Williams, qui mit pied à terre et entra dans le manoir du pas délibéré d'un homme mettant les deux pieds chez un ami. Le valet conduisit Sir Williams jusqu'à la salle à manger, que le vieux chevalier avait converti en salon, en cabinet de travail, en musée cynégétique, en capharnaüm enfin, et dans laquelle il passait sa vie les jours de pluie ou de froid lorsqu'il gardait la maison. Un grand feu de souche brûlait dans la cheminée, dont le manteau, haut et large, surmonté des armes de Lacy, aurait pu abriter 12 personnes. À 2 pas du feu, le couvert du chevalier était dressé. C'était une petite table supportant une vaisselle plate bousselée et aux armoiries effacées. Un pâté entamé, 2 flacons de vieux vin, et un de ces gobelets homériques où les fils des croisés seuls peuvent voir encore tant leur capacité est effrayante. Sur les murs, on voyait des fusils supportés par des bois de serre, des couteaux de chasse suspendus çà et là, et le sol était couvert d'un gigantesque tapis formé de peaux de loup réunies ensemble. Aux 4 angles de la salle étaient 4 portraits de famille distraits de la grande galerie du manoir. C'étaient ceux de 4 marquis de Lacy, morts à différentes époques de blessures reçues à la chasse. Ses armes, ses portraits, ses dépouilles attestaient, comme on le voit, la passion cynégétique du chevalier, et Sir Williams, en s'asseyant sans façon dans un grand fauteuil au coin du feu, calcula tout de suite le parti qu'il en pourrait tirer. Quelques minutes s'écoulèrent, puis le son lointain d'une trompe ralliant les chiens se fit entendre, et peu après le pas de plusieurs chevaux résonna sur le pavé de la cour. Monsieur de Lacy rentrait avec son piqueur et ses 2 valets de chiens. Le piqueur portait, en travers de la selle, un superbe sanglier qui avait été tué devant les chiens. Le valet qui avait introduit Sir Williams vint annoncer cette visite à son maître, et le chevalier, ne sachant à qui il avait affaire, mit pied à terre sur le champ et courut à la salle à manger. Sir Williams vit entrer un homme de haute taille et qui pouvait avoir 65 ans, mais fort, robuste, les épaules carrées, le jarret sec et nerveux, l'œil plein de jeunesse et le front presque sans rides sous ses cheveux blancs. Il était vêtu d'un habit de chasse en velours vert, portait de grandes bottes à l'écuyère, un cor en bandoulière et tenait à la main son fouet et une petite carabine d'arçon. « Monsieur, » lui dit Sir Williams en se levant et allant à lui, « avant de me nommer, car mon nom, je le crois, ne vous apprendrait rien de ma visite, laissez-moi vous remettre cette lettre du marquis Gontran, votre neveu. » « Vous connaissez Gontran ?» dit le chevalier avec vivacité. « Je suis de ses amis, répondit modestement Sir Williams. Alors vous êtes ici chez vous, monsieur ? S'écria le chevalier avec rondeur, et je crois que nous pouvons remettre à plus tard, après souper par exemple, l'ouverture de cette lettre. Asseyez-vous donc, monsieur. Les amis de mon neveu sont chez eux ici. Sir William s'inclina. Jean, appela le chevalier, un couvert. Et tandis qu'on lui obéissait, le vieux gentilhomme ajouta. Vous ferez un maigre souper ce soir, mon cher hôte, un souper de chasseur. Je suis disciple de Saint-Hubert comme vous, monsieur le chevalier, répondit Sir Williams. Vous aimez la chasse ? Avec passion, chevalier, comme un gentilhomme irlandais. Car, ajouta Sir Williams, me voici forcé, puisque vous n'avez point encore ouvert ma lettre d'introduction, de vous décliner mon nom. Le baronnet Sir Williams. Le chevalier s'inclina. Or, poursuivit le baronnet, mon ami Gontran me recommande précisément à vous, monsieur, comme un disciple passionné de Saint-Hubert, et qui brûle de faire connaissance avec la vénerie bretonne. Mais, s'écria le chevalier joyeux, Gontran est une perle de neveu en vérité, puisqu'il m'envoie un compagnon de chasse. Ainsi, monsieur, vous allez me rester. Si ce n'était être trop indiscret. Allons donc, c'est moi qui serai l'indiscret en vous faisant partager un gîte aussi médiocre que le mien. Monsieur, dit Sir Williams, je vous supplie maintenant d'ouvrir la lettre de Gontran. À quoi bon ? Oh, j'y tiens, dit Sir Williams, qui poursuivait son idée avec une froide ténacité. Si vous l'exigez, répondit le chevalier. « Je n'ai aucune objection à faire. » Et il ouvrit la lettre de Gontran. Tandis qu'il la parcourait rapidement, Sir Williams l'observait et se disait « Voilà réellement un bonhomme bien rond et dont je ferai tout ce que je voudrais. »« Comment ? » dit le chevalier en se tournant vers lui, sa lecture terminée. « Vous êtes amoureux, monsieur ?»« Hélas !» soupira le baronnet en baissant les yeux. « Mais, s'écria le vieillard, je n'y vois pas le moindre mal. Moi, bien au contraire. » Et je vous trouve bien bon de soupirer. » Et il continua en souriant. « Voyez-vous, mon cher hôte, je ne vois qu'une chose en fait d'amour. Il faut mener les femmes comme l'ennemi à la façon des conquérants. J'étais garde du corps, moi, et j'ai eu, tout comme vous, 30 ans et la moustache noire. Eh bien, morbleu, j'en tirerai parti, je vous jure. » Sir Williams se prit à sourire. « Vous autres Français, dit-il, vous avez l'humeur chevaleresque en amour, cela date des croisades, mais nous, Irlandais, ici, le baronnet crut devoir prendre une attitude penchée, méditative et un peu fatale d'un gentleman de la verte Hérin, initié à la secte des laquistes, et passant ses jours à rêver sur les ponts en ruine et au bord des étangs. Ce qui fit que le chevalier de Lacy demeura persuadé que son jeune visiteur était atteint sérieusement du mal d'amour et qu'il était nécessaire d'apporter quelque soulagement à sa douleur. Or, le premier de tous les remèdes appliqués en pareil cas, c'est de parler de la femme aimée et absente et de l'orner de toutes les qualités qu'elle a ou qu'elle pourrait avoir. Le valet de chambre apporta le potage et M. de Lacy dit au baronnet « Voyons, mon cher hôte, mettez-vous à table et nous allons voir un peu ce qu'il y a à faire pour vous guérir. » Sir William eut un assez beau sourire navré, auprès duquel le sourire d'Obermann était un vrai sourire. « Je suis incurable, » murmura-t-il. « Bon, il n'est pas de mot sans remède. À propos, » continua le vieux veneur en servant son hôte, « savez-vous qu'elle est charmante ?»« Qui ?» demanda Sir Williams en tressaillant. « La dame de vos pensées, parbleu. Vous la connaissez ?»« Sans l'avoir vue. Mais c'est la petite nièce de la baronne de Kermadec, ma vieille amie, et je sais qu'elle est ravissante. » Ici, après avoir soupiré encore, Sir Williams éprouva le besoin de rougir jusqu'aux oreilles. « Et ?» poursuivit le chevalier, « je la croyais hier aussi spirituelle que jolie. »« Elle l'est, » murmura Sir Williams. « dit le chevalier, « j'en douterais volontiers, s'il n'est pas folle de vous. Sur l'honneur, mon cher hôte, vous êtes un charmant cavalier. » Sir Williams s'inclina. « Hélas, » dit-il, « elle ne m'aime pas. Qu'en savez-vous ? Je suis arrivé trop tard. »« Oh, la place est occupée. Eh bien, il faut l'assiéger, parbleu. Nous ne sommes pas gens à perdre la tête s'il faut faire un siège. » Nous le ferons dans toutes les règles. » Comme le chevalier débitait cette fanfaronnade avec tout le sang-froid d'un vieux brave dont la tête est encore chaude, sous ses cheveux blancs, le piqueur se montra sur le seuil de la salle à manger. « Madame la baronne de Kermadec, dit-il, a sans doute affaire à monsieur le chevalier, car voici le petit Jonas qui arrive avec une lettre. « Faites entrer Jonas, » dit le chevalier. Jonas, qui était venu au manoir, monté sur un cheval de ferme, fit son entrée dans la salle avec la dignité malicieuse d'un page apportant un message d'amour. Il jeta un regard oblique et moqueur à Sir Williams et tendit sa lettre qu'il avait placée dans le fond de son chapeau à large bord. « Je crois qu'il y a une réponse, » dit-il. « Eh bien, » dit le chevalier, avant de rompre le cachet de cire rouge portant les cuissons de Kermadec, « va-t'en aux offices, fais-toi donner à souper et attends. » Jonas enveloppa Sir Williams d'un second coup d'œil plein d'ironie et s'esquiva. Alors M. de Lacy ouvrit la lettre de la baronne, cette lettre où la douairière reprochait au chevalier la rareté de ses visites, lui exposait le caractère un peu romanesque de sa nièce, et lui demandait d'organiser une chasse qui pût séduire un peu l'imagination d'une jeune fille peu faite à la monotonie de la vie de campagne. « Voilà qu'il semblait fait exprès et tombe à merveille, » dit-il en tendant la lettre à Sir Williams. Le baronnet la lut et devina presque mot pour mot, d'après elle, la conversation qui devait avoir eu lieu entre M. de Beaupréau, sa femme et la baronne après son départ déjeuner. Et comme la baronne n'en parlait point dans sa lettre, Sir Williams jugea inutile d'apprendre au chevalier sa visite au Genet et la façon plus que romanesque dont il en était parti. « Morbleu, mon cher hôte, » dit M. de Lacy, « il ne sera pas dit que mon neveu vous aura adressé à moi pour que je vous aide sans que j'y puisse parvenir. Corne de cerf, monsieur, vous serez aimé. » Monsieur, monsieur, balbutia Sir Williams, qui feignit un grand embarras. « Au nom du ciel, ne me donnez point une espérance dont la non-réalisation me tuerait. » « Voyons, parlons raison, » fit le chevalier avec calme, « et ne demeurons point dans les nuages. Vous êtes riche ?»« Trop riche, » fit Sir Williams avec un geste de dégoût. « Peut-être m'aimerait-elle si j'étais pauvre. »« Bon, » murmura le chevalier en haussant les épaules, « les hommes qui n'ont que ce défaut-là, d'être trop riches, rencontrent rarement des répugnances. » « Donc, vous êtes riche, vous êtes gentilhomme, » Sir William s'inclina, « et vous êtes assez beau garçon pour tourner la tête à la femme la plus blasée qui soit au monde. » Sir William témoigna par un geste de l'embarras que ces éloges infligeaient à sa modestie. « Or donc, » reprit le chevalier, « votre bilan établi, faisons un peu celui de la jeune fille que vous aimez. D'abord, mademoiselle de Beaupréau n'a pas le sou, ou à peu près. Qu'importe. » s'écria Sir Williams d'un ton chevaleresque. « Avouez rien, puisque vous l'aimez, mais enfin, raison de plus, pour que vos 200 000 livres de rente aient quelque influence sur son esprit. »« Ah !» fit le baronnet avec dédain. « Tout beau, mon hôte, la femme la plus désintéressée préférera toujours un château à une chaumière. La chaumière des amoureux, le grenier où l'on est bien 20 ans, chanson que tout cela. » Sir Williams se tut. « Je poursuis, » dit le chevalier. « Donc, mademoiselle de Beaupréau n'a pas le sou. Voilà qui est convenu. Ensuite, elle est d'une noblesse douteuse. Douteuse est un mot poli. Monsieur de Beaupréau est un petit gentillâtre venu du comtat, il y a 30 ou 40 ans, sans sou ni maille, sans protection, parlant à tout propos d'ancien oncle qui était chanoine, et je crois le personnage le plus important de la famille. Dans le comtat, mon cher, au temps de la domination pontificale, on faisait ériger une ferme en duché, un pigeonnier en marquisat, une prairie en comté et un simple fossé bordé de 2 pommiers en baronnie. Pour 600 livres, on était duc, mais il suffisait de 10 écus pour devenir baron. » Sir William se prit à sourire. Le gentilhomme breton continua. « Donc, fortune et noblesse, néant. Reste une jolie fille dont l'éducation est accomplie et qui a pour mère une sainte. Par conséquent, vous mésallierez bien un peu, mais vous aurez épousé la femme que vous aimez, c'est beaucoup. » « Ah, monsieur, » murmura Sir Williams, « que me dites-vous là? Un tel rêve, un bonheur si grand. » « Tara, » dit le chevalier, « si mademoiselle Hermine n'est pas folle de vous avant 15 jours, et si sa famille ne vous vient offrir sa main à 2 genoux, je veux y perdre mon nom. Monsieur, vous me rendez fou. » « Très bien. L'exaltation est toujours une excellente chose en amour. » Et le chevalier continua froidement. « Les jeunes filles ont l'esprit romanesque. » Elles aiment tout ce qui touche au mystère et sort des sentiers battus. Il est probable que si je vous conduisais vulgairement au Genet et que je vous présentasse tout simplement, mademoiselle Hermine, s'il a une amourette en tête, ne ferait pas grande attention à vous. Mais nous voici sur nos gardes et l'occasion est bonne. Nous chasserons demain, mon cher hôte, j'ai mes plans. » Le chevalier sonna. « Jean, dit-il, envoyez-moi mon piqueur. » Le piqueur arriva et se tint respectueusement debout devant son maître, sa casquette à la main. « Maître Pornic, dit le chevalier, que penseriez-vous de ce vieux sanglier que nous avons déjà couru plusieurs fois sans jamais en revoir ?»« Le solitaire du bois carreau, dit le piqueur. « Précisément, il faudra le détourner cette nuit. »« C'est une belle bête, murmura le piqueur avec admiration, qui doit bien avoir près de 15 ans et peser 400. « C'est une bête de chasse comme le roi n'en a pas. »« Eh bien, nous la chasserons demain. »« Ce serait dommage de le tirer, poursuivit le piqueur. » Mais si monsieur le chevalier veut le forcer, il faut qu'il envoie chercher les chiens de Kerleven. Les nôtres sont là. J'écrirai au piqueur de madame Sainte-Lucie, dit le chevalier. Sans compter que nous en aurons bien une demi-douzaine de décousus. Tant pis, allez, maître Pornic. Et le chevalier, congédiant le piqueur, dit à Sir Williams. Un gentilhomme irlandais est brave, cela va sans dire. Je le crois, répondit le baronnet avec calme. « Courez le moindre danger demain, serrez de près l'animal, et la petite vous aimera, » acheva M. de Lacy. « Je tuerai le sanglier à coups de couteau, » répliqua froidement le baronnet. « Bravo, alors elle est à vous. » Le chevalier se leva de table, s'approcha d'un bureau, et écrivit la lettre suivante à Madame de Kermadec, dont il connaissait depuis longtemps la folle passion pour les romans de chevalerie et tout ce qui pouvait leur ressembler. « Ma chère voisine, merci d'abord de votre bon souvenir, bien qu'il soit enveloppé de durs reproches. Mais puisque j'ai des torts à réparer, je le veux faire sans retard. Je viens en effet de recevoir la visite du baronet Sir Williams, un gentilhomme accompli et grand chasseur, dont j'attendais l'assistance pour attaquer une superbe et terrible bête, un gibier de roi s'il en fut, le plus vieux solitaire de mes bois, et qui m'a déjà tué plusieurs chiens. Nous l'attaquons demain au bois carreau. Il gagnera vraisemblablement le vallon des cyprès pour aller faire tête au carrefour du diable, dans vos environs par conséquent. Si vos hôtes veulent se joindre à nous et se trouver à la croix de Pierre du Bois Carreau à 10 heures du matin, je présenterai à votre romanesque petite nièce le plus romanesque fils de la vieille Irlande. Je vous baise les mains et demeure à vos pieds. Chevalier de Lacy. Le chevalier passa sa lettre à Sir Williams. Remarquez, dit-il, ce joli assemblage de noms. Le vallon des cyprès et le carrefour du diable. Voilà déjà de quoi charmer l'esprit d'une jeune fille éprise de mystère. Sir William soupira et se tut. Le chevalier fit appeler Jonas. Jonas reparut, la bouche pleine et le teint enluminé par un verre de cidre. « Mon bonhomme, lui dit M. de Lacy, tu vas retourner au genêt. »« Ce soir ? » demanda Jonas avec un air de piteux désappointement. « Parbleu, dit le chevalier, est-ce que tu as peur en route la nuit ?» « Dame, murmura le petit pâtre, il pourrait bien y avoir des revenants de ça et là par les traînes. »« Eh bien, tu les prieras de t'accompagner, » répliqua le chevalier en riant. « Mais en attendant, remonte sur ton roussin. Il faut que ta maîtresse ait cette lettre ce soir. Voilà pour te donner du courage. » Le chevalier glissa 5 francs dans la main de l'enfant et le congédia. « À présent, mon cher hôte, dit-il à Sir Williams, je ne vous retiens plus et vous laisse libre d'aller prendre un peu de repos. » afin que demain nous puissions chasser gaillardement et avancer vos affaires. Monsieur de Lacy sonna et donna des ordres pour que son hôte fût conduit à la chambre à coucher qu'on réservait chez lui aux étrangers. Cependant, dit-il au moment où le baronnet se levait et lui souhaitait le bonsoir, si vous n'êtes pas trop là, je vous montrerai volontiers mes écuries et mon chenil. Vous choisirez le cheval que vous désirez monter demain. Je suis prêt à vous suivre, dit le baronnet, et tous deux sortirent. La cuisine du manoir faisait vis-à-vis de la salle à manger dont elle était séparée par un vaste vestibule. La porte était grande ouverte, et Sir Williams put apercevoir les domestiques du château rangés et de bison autour de l'âtre. En entendant les pas du chevalier dans le vestibule, un grand vieillard accroupi au coin du feu se leva et développa sa longue taille droite encore. « Tiens, dit le chevalier, le fou est ici. »« Oui, monsieur le chevalier, répondit un des valets, il a demandé à souper. » Le vieillard que l'on désignait sous le nom du fou s'approcha. « Bonjour, monseigneur, » dit-il au chevalier. Le chevalier avait un flambeau à la main. La clarté de ce flambeau tomba d'aplomb sur le visage du vieillard, et à sa vue, Sir Williams tressaillit. « C'est un pauvre diable, » dit le chevalier, se tournant vers son hôte, « qui est idiot depuis 30 ou 40 ans et qui pourrait bien être centenaire. Nul ne se souvient dans le pays de l'avoir vu autrement qu'il est. » Moi-même, j'ai la 60aine, je l'ai toujours connu les cheveux blancs. Ah, dit Sir Williams d'un ton de parfaite indifférence. On l'appelle Jérôme, poursuivit le chevalier. Il a été longtemps au service de la comtesse Filippone et de son premier mari, le comte de Kergaz. Ce n'est qu'à la mort de la comtesse Filippone qu'il a quitté Kerleben et n'y est jamais rentré. Depuis ce jour, il vit un peu comme un vagabond, mendiant et courant tantôt ici, tantôt là. On lui donne souvent l'hospitalité chez moi. » Et le chevalier, cette courte explication donnée, voulut passer outre. Mais la clarté du flambeau, changeant alors de direction, tomba sur le visage de Sir Williams, et soudain le fou poussa un cri. « Tiens, dit-il, je te reconnais bien, va. » Sir Williams tressaillit encore. « Oh, dit le fou, se frappant le front, je ne me souviens pas bien, mais je me souviendrai. Je te connais, tu es un méchant. » Et l'idiot montra le poing au gentleman qui ressentit au fond de l'âme une vague terreur. En entendant les paroles du fou, le chevalier se prit à rire et haussa les épaules. « Ne faites pas attention à ce pauvre diable, » dit-il. « Il est fou et il croit reconnaître tout le monde. »« Oh, non, non, » murmura le vieil idiot avec colère. « Je suis fou, c'est vrai, mais je le connais. »« Soit, » dit le chevalier. « Bonsoir, Jérôme. » Et il prit le bras au baronnet et l'emmena. Mais le fou les suivit à distance en grommelant. « je le connais, il ressemble à son père, c'est un méchant. »« Voilà un drôle plus heureux que moi, » dit Sir Williams d'un ton léger. « Il trouve que je ressemble à mon père, preuve qu'il l'a connu, et il a en cela un avantage sur moi car j'étais au berceau quand mon père est mort. » Le baronnet prononça ces mots du bout des lèvres, avec un accent de pitié railleuse, mais au fond, il était tout troublé de l'apostrophe véhémente du vieillard. On eût dit qu'il avait le pressentiment de quelque sinistre événement. Ce fut sous le poids de cette bizarre appréhension que le baronnet accompagna son hôte dans cette visite du chenil et des écuries que le chevalier avait coutume de faire tous les soirs, et l'émotion qu'il en éprouvait le suivit jusque dans son lit et le tint éveillé une partie de la nuit. Sir Williams avait une haute intelligence et savait fort bien que les grandes catastrophes de la vie arrivent presque toujours par suite d'un événement de mince importance et que rien n'est plus à craindre que ce qu'on nomme la pierre d'achoppement. Dans cet idiot, Sir Williams voyait l'homme qui pouvait, à un moment donné, le forcer à se trahir, à révéler le vieil homme, c'est-à-dire le vicomte Andrea, et cela dans un pays qui avait su le crime du père et les infâmes actions du fils. Car là, comme ailleurs, le jeune roué avait laissé une odieuse réputation de corrupteur. Cependant, le baronnet n'était pas homme à se laisser longtemps dominer par un sentiment de crainte, et il eut bientôt pris son parti. « S'il me gêne par trop, pensa-t-il, je m'en débarrasserai. » Et sur cette réflexion consolante, il s'endormit et ne s'éveilla qu'au point du jour, au moment où M. de Lacy entra dans sa chambre. Le vieux gentilhomme était tout beauté et prôné selon son habitude, bien que le rendez-vous ne fût qu'à 10 heures. « Mon cher hôte, » dit-il en entrant, et tandis que Sir Williams se frottait encore les yeux et achevait de s'éveiller, « je vous demande pardon de vous faire lever si matin, mais nous avons besoin de partir de très bonne heure, car il m'est venu une bien belle idée, vraiment. » demanda le baronnet. « Vous allez en juger. » Le chevalier prit un air mystérieux et s'assit. « Je dors peu, » dit-il, « c'est de mon âge. Je réfléchis beaucoup la nuit, et depuis 2 heures du matin, je médite la petite mise en scène de votre présentation. »« Très bien, » dit Sir Williams. « Et quelle est-elle ? » ?»« Voici. Nous disions hier, je crois, que le moyen le plus sûr de séduire une jeune fille à imagination exaltée et était de lui apparaître environné d'un certain prestige romanesque. Et nous avions déjà trouvé cette chasse au sanglier et cette scène dramatique de l'animal tué à coups de couteau. « C'est vrai, chevalier, j'y suis tout disposé. »« Eh bien moi, » poursuit M. de Lacy, « à force de me représenter la scène telle qu'elle doit arriver, j'ai trouvé mieux encore. »« Oh, voyons, chevalier. » »« Il faut vous dire que le lieu du rendez-vous, le bois de Carreau, renferme une sorte de trou formé par d'immenses blocs de roches taillés à pic, quelque chose comme un entonnoir gigantesque renversé. On y arrive par un étroit ballon, et on y atteint ensuite une sorte de cul-de-sac à muraille de granit, et où l'on ne trouve l'issue qu'en revenant sur ses pas. Or, voici à quoi j'ai songé. Nous allons prendre la chasse au rebours. Au lieu d'attaquer la bête à 10 heures du matin, nous l'attaquerons à 8. Elle délogera, gagnera la plaine, et si nous la menons chaudement, elle reviendra précisément se faire battre dans le bois de Carreau d'où elle sera partie. Alors, si les chiens sont bien conduits, et j'ai un excellent piqueur, le sanglier suivra naturellement le ballon, arrivera au cul-de-sac et sera forcé de faire tête. « Bon, » dit Sir Williams, « mais je crois que ce programme était déjà arrêté hier. »« Avec cette différence, » répondit le chevalier, « que nous devions attendre 10 heures du matin pour chasser, ne découpler qu'en présence de Mademoiselle Hermine et compter sur l'éventualité au lieu de forcer la main au hasard, comme nous allons le faire. Lorsqu'elle arrivera au rendez-vous, nous serons en pleine chasse. On entendra sans doute la voix des chiens dans le cul-de-sac, et le premier soin de Mademoiselle Hermine et de ceux qui l'accompagneront sera de courir au bord des rochers qui le dominent, de façon à voir la mort. C'est alors, mon cher hôte, que vous pourrez apparaître votre couteau de chasse à la main. « Je comprends, chevalier, » dit Sir Williams, qui sauta sous le champ à bas du lit et s'habilla. 10 minutes après, il était botté et prôné, suivait M. de Lacy à la salle à manger, où la halte du matin était servie, puis dans la cour du manoir où piaffaient déjà leurs chevaux. Le cheval de Sir Williams était une vaillante bête, pleine de feu, et bien qu'il eût fait la veille une longue course, le baronnet avait résolu de le monter ce jour-là de préférence aux chevaux de M. de Lacy. Le chevalier avait dans ses écuries une petite jument limousine très douce, chassant très bien, et qu'il montait quelquefois. Le matin même, au point du jour, il l'avait envoyé à jeûner pour Hermine, afin qu'elle fût convenablement montée, car il n'y avait guère chez Madame de Kermadec que des chevaux de labour ou de trait. Au moment où M. de Lacy et Sir William se mettaient le pied à l'étrier, le vieux Jérôme, l'idiot de Kerleven, se montra dans la cour. Le mendiant avait couché dans la grange et il se disposait à continuer son chemin, car il allait à Saint-Malo à peu près tous les 2 jours, demandant la charité à toutes les portes et revenant le bissac plein. Il aperçut Williams. « Ah !» dit-il, « tu es encore là, toi ?» Le baronnet tressaillit et éprouva un singulier malaise en revoyant le vieillard. « Ah !» continua celui-ci, « te voilà encore ? On ne te connaît donc pas ici ?» Et Jérôme regarda fixement sur Williams en ajoutant « Tu as été à Kerleven. Tu es le fils de l'assassin. » Au moment où le vieillard parlait ainsi, M. de Lacy était auprès du baronnet. « Que chantes-tu là, Marot ? » s'écria le chevalier en levant sa cravache. « Je sais ce que je dis, » murmura l'idiot. Il s'en alla répétant toujours. « Je le reconnais bien, moi. »« Mon cher baronnet, » dit M. de Lacy, « je vous demande humblement pardon des paroles incohérentes de cet homme. Il est fou. » Sir Williams, bien que troublé au fond du cœur, était impassible de visage. « Il doit être fou, en effet, » dit le baronnet. « Mon père, que je sache, n'a assassiné personne, et moi je n'ai jamais été à... » Sir Williams parut chercher le nom qu'avait prononcé l'idiot. « À Kerleven, » dit le chevalier. « Qu'est-ce que, Kerleven ?»« Kerleven est le château du comte Armand de Kergaz. »« Ah !» dit vivement le baronnet. « Je le connais. »« Vous le connaissez, oui ?» Il y a 8 jours, je me suis battu avec un homme à qui il servait de témoin. Et maintenant, ajouta Sir Williams, maintenant je comprends les paroles du fou. Il paraît que je ressemble à un vaurien, au frère utérin du comte, au vicomte Andrea. Un misérable, dit froidement le chevalier, mais je ne l'ai jamais vu de près, et il me serait bien difficile de constater la ressemblance. Il paraît qu'elle est frappante car j'étais pris pour lui. En vérité, et comment cela ? Demanda M. de Lacy étonné. Je rentrai un soir chez moi à Paris, j'étais en Tilbury. Un monsieur me croisa dans un fiacre. Il me prit pour le vicomte Andrea, me suivit, pénétra violemment chez moi, m'insulta, toujours persuadé que j'étais le vicomte, et malgré mes dénégations les plus formelles. Mais, interrompit le chevalier, que lui avait donc fait le vicomte ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je fus obligé de lui demander raison, et que le comte de Kergaz, qui lui servit de témoin, constata lui-même cette ressemblance bizarre, tout en reconnaissant que j'avais les cheveux noirs, tandis que le vicomte les avait blonds. « Et avez-vous tué votre adversaire ?»« Nullement, je l'ai désarmé. »« Ma foi, dit le chevalier, c'était là, je crois, la meilleure preuve que vous puissiez donner de votre non-identité avec le vicomte Andrea. »« Ah, ça ! » demanda le baronnet d'un ton naïf, « c'est donc un bien grand misérable. »« Il chasse de race, » répondit le chevalier. « Son père avait assassiné le colonel de Kergaz pour épouser sa veuve. » Puis il avait jeté à la mer, dit-on, le comte de Kergaz actuel, qui fut miraculeusement sauvé. Le fils a séduit et enlevé des filles honnêtes, perdu au jeu, assassiné celui qui l'avait dépouillé. Il a fait mourir sa mère de chagrin, que sais-je ? Je suis assez marri, dit froidement le baronnet, de ressembler à une pareille canaille. Et un tel drôle mériterait au moins le bagne. C'est mon avis, répondit le chevalier. Mais en attendant, mon cher hôte, n'oubliez pas que nous avons nous aussi une séduction à exercer aujourd'hui à cheval. »